Je me rappelle, c'était toi qui disais que tu serais toujours là. Dans mes rêves, on est deux. Y a 10 secondes avant que tout ça dégénère. Toi tu mens, t'es plus là. Technique vaudou quand tu dis mon nom. Et t'as du mal, je le vois. Tu mets ma photo quand tu tires là. On s'abandonne et c'est trop tard. On se condamne à vivre un truc infernal. Y'a tout qui est fermé, si tu penses à tout que fais-le. Je barricade la fenêtre, il faudra qu'une brique pour entrer. Sous ton cœur y'a des bleus, moi je m'en souviens plus. C'est encore le double, moi qui te regarde sous la pluie. C'est pas comme au début, non. Regarde tout ce que je mets dans. Chaque fois que je fume, j'ai l'impression que mon cœur se nettoie. C'est vrai que je suis inconscient. J'ai beau l'avoir partout, je suis encore seul. Les mots n'effacent pas tout, je lui accorde ça. Je veux plus la voir partir, mais j'adore ça. Je suis inconscient. J'ai beau la voir partout, je suis encore seul. Les mots n'effacent pas tout, je lui accorde ça. Je veux plus la voir partir, mais j'adore ça. Ça fait longtemps que je marche, mes yeux deviennent gris et mes jambes me lâchent. Si je m'allonge, je meurs. Allez, il faut que je monte. Il reste un long chemin, bientôt j'arriverai pas loin de chez nous. Je fais que l'imaginer, toute seule avec une fausse image de moi. Elle pense que je suis mort peut-être, ou que je me rappelle plus d'elle. Quand je la verrai, je lui dirai que je l'aime, que j'ai dû traverser un lac gelé. Je sais même pas comment j'en suis arrivé là, peut-être que j'ai dormi, je me suis pas réveillé. Les souvenirs reviendront quand elle sera là. Tu m'abandonnes, et c'est trop tard. J'aurais qu'un pantin jusqu'à être à toi. Mais pourquoi je t'aime autant? J'ai le cœur brisé, tu contre-attaques. Je vais pas faire demi-tour, moi dans mes yeux y'a que les tiens. Tu me vois quand je tombe, c'est toi qui m'efface. J'ai tout fait pour t'emmener, mais tu laisses aucune trace. Je sais, je ne dors plus, moi. Je sais que toi t'as plus mal. Je le vois dans tes yeux, mais les miens deviennent plus noirs. C'est vrai que je suis inconscient. J'ai beau te revoir partout, je suis encore seul. Les mots n'effacent pas tout et je t'accorde ça. Tu veux plus me voir partir, mais t'adores ça. Je suis un fantôme. Rentré dans mon cœur, t'as fait un hold up. Il me faudrait une armée pour tenir longtemps. J'ai marché pendant des mois dans les montagnes.